Attention, ça commence en force. Guignol. Présent, mon capitaine. Si, exact. Ray Boudingue. Oui. Frappe dingue pour vous, comtesse. Nous sommes présents. Chivachard. Si, seigneur. La poitrine criblée d'éclats de lune. En avance, en rang compact. En avant-marche. Mes frères, gaffe à la brigade légère. Chère amicale des bons à rien, nous pénétrons l'arène. Un incendie dans chaque main, tout offert à la bonne fortune. Nous sommes les pieds nickelés. Nous sommes les pieds nickelés. Nous sommes les pieds nickelés. Nous sommes. Attention, cha cha cha. Ça danse de toi, cha cha cha. Au toit de blanc. Vas-y, Arthur. Rien ne se vend, rien ne s'achète. Ouais. Tout s'échange, tout se partage. Mes chers amis, requins d'eau douce, l'amour nous protège, la mort nous entoure. La poitrine criblée d'éclats de soleil, le torse constellé d'étoiles, c'est nous les pieds nickelés, raides fauchés, c'est nous les pieds nickelés, amants légers, nous sommes les pieds nickelés, nous sommes les pieds nickelés, nous sommes les pieds nickelés, nous sommes les pieds nickelés. Nous sommes les pieds nickelés. Nous sommes les pieds nickelés. Nous sommes les pieds nickelés. On marche, mes frères, dans la rue plus solitaire. Marche ou pas. Solidaire. Une fois de plus, sans un, mais tous ensemble. Esclaves de la légèreté. Nous sommes les pieds nickelés. Oh oui. Merci, messieurs les présidents. Messieurs les pas trop catholiques. Mesdames les voluptés. Et vous, chers résidents et résidentes impudiques. Bienvenue. Viens, Jean-Marc m'a dit de pas trop te placer devant le micro parce que t'as des gros bobos là-haut. Des gros bobos là-haut. C'est là-haut, les gros bobos. À moi, jamais, je ne voudrais le crever. Pourquoi tu veux pas le crever? Parce que gros bobos, imagine tout le liquide. liquide là-haut va descendre sur la tête, sur le nez, sur, dans la bouche. Les puniclés, nous sommes les puniclés, nous sommes les puniclés, nous sommes les puniclés. Oh oui. Oh. Bon, avez-vous entendu le boum-boum? C'est, comment ça, c'est pas synchrone, cette émission-là? On avait averti la belle Rita de mesurer tous les échos. C'est une incapable. On devrait la virer, hein, et lui embrasser le derrière de la tête. Je pensais le derrière de... Le derrière de quoi? Le derrière de l'avenir. Oh, mon Dieu, pas d'avenir derrière, hein? Tout l'avenir est en avant, pas derrière. Ça, c'est de la nostalgie en arrière, là. C'est tout ce qu'il faut fuir en arrière, là. T'as-tu vu ce qui se passe là, en arrière, là? C'est l'histoire. Et l'histoire, quand tu la connais, tu peux maîtriser le futur. Et monsieur... Et quand tu maîtrises le futur, ben là, tu peux maîtriser tout le monde, la société. Tu peux t'amuser avec le genre humain. Manipuler. Arriver à quelque chose avec rien, là. Comme ces missions-là, ben, un peu. Mais surtout, là, hein, avec un propos vide. Aucun sens, des promesses futiles. Ah, vous verrez, là, les gens, on va voir, il n'y a rien à voir. Tassez-vous, Jean-Marc, Suzette, Lison, Mathilde, Nadine, Sophie, Stéphanie, Sylvie, c'est fini. Il n'y a plus rien à voir. Ben voyons, donc, il reste encore 2-3 verres d'eau. Non, pas à boire, à voir. Ah, bon, ça c'est à voir. Ben oui, ben c'est, on te le dit qu'il n'y a rien à voir. Ben, si tu le dis, toi, t'es le maître de la connaissance. Ben oui, ben non, je suis, comme je le dis souvent, la science influse. Oh, modo, et plus ça fluse, plus ça fluse et moins je recuse. Parce que je redirai souvent, à chaque instant, ceci. Même à la fin de mon existence, qui risque de se terminer très rapidement, puisque Jean-Luc me mire avec son regard tueur. Ah, mon Dieu, il se prend pour Al Capone. Al Capone, ma tampoune, tiens-toi trapoune. Tends-toi la papoune et lèche la manoune. Qu'est-ce qu'il dit là? C'est une recette pour éloigner les esprits méchants. Ah, il n'y en a pas de méchants ici. Tout le monde est méchant. Oh, le juge le dit, tout le monde est méchant. Voyons, non, tout le monde avant quoi? Ben, pas, non, allô, ça va, allô? Ben, ça va bien. Allô, Régine, OK. Allô, ça va? Oui, ça va. Allô, Régine, tout le monde est méchant. Personne n'est bon. C'est en vieillissant qu'ils peuvent s'assagir. Ah, oh, moi, j'haïs ça, les sages, hein. Ça, c'est les gens qui observent, qui disent rien, puis là, les gens vont les rencontrer. Ben, croyez-vous que... Ah, mettez un peu de... Ah, un sage. Ah. Vous savez... L'escapone. C'est qui, ça, l'escapone? Ça, c'est plus vieux que les Égyptiens, que les Grecs, que les Romains. C'est des gens qui ont existé qu'une seule fois. Mais voyons donc, tout le monde existe qu'une seule fois. L'escapone! Oh. Taisez-vous, écoutez-moi, abreuvez-vous. Attends, amène 2-3 verres, mon Georges, on va s'abreuver à ce gars-là, il a scapone, la scapine, la scapette. Amène la scarpette, on va glisser là-dessus. Non, scapone. Oh, la scapone. C'est quoi, la scapone? La scapone est un peuple plus que primitif. Non, tellement primitif que même les historiens ne connaissent pas ça. Ascapone. Ascapone, oui, tranquille. Je suis sage. Oui. Vous êtes des ignares. Je réfléchis. Hey, comme Leonard Cohen. Cohen est mon frère. Oh. Scapone est ma société. Hey, c'est interlope. C'est secret. Oh, est-ce que je peux devenir scaponien? Scapone. Oui, allez-y, il va le dire. Scapone est né un jour. Oui, un lundi et un mardi. Dans le milieu des scapones, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de précision de temps. Il n'y a que l'immortalité à travers une structure qui divague. Hey, on aime ça, nous. L'escapone. Oui. Se regarde la monde. La monde, c'est quoi la monde? La monde est un regard étranger une surface encore volante qui s'obtient. Ouais, c'est pas ça que tu as dit, hein? Non, mais c'est parce que j'ai changé de. Puis ça n'a pas collé, puis on a demandé de. Mais ils n'ont pas voulu le. Ah, mon Dieu, c'est clair. Très clair. L'escarpone. Ben voici, l'escarpone. Pour être membre d'escarpone. Oui. Faut être membre de CKRL. Eh, ben voyons donc, toi, escarpone et CKRL. Rien à voir. Oh! Mais nous ne syntonisons que CKRL, nous, l'escarpone. Oh, mon Dieu, ça fait peur. Pas du tout. Vous êtes combien de membres? Nous sommes des membres anonymes, invisibles. Voyons donc, on peut-tu vous toucher, vous? Non, pas du tout. Oh, c'est un sage intouchable. Comme tous les sages. Oh! Alors, l'escarpone. Non, chez moi, l'escarpone, comment on fait pour... L'escarpone. Oui, monsieur. Taisez-vous. Oui. Je connais. Oui. Je sais. Oui. Au-dessus de vous. Oui. Il n'y a rien. Oui. En haut. Oui. Sur le sommet, la cime, le zénith. Oui. Il y a moi et mes scarpons. Mais ça fait peur. Vous pouvez devenir membre. Avant tout, c'est KRL. On verra tous les gens de la scarpone et vous pourrez devenir scarposien. Mais c'est beau, ça. Quelle émission fait partie des scarpones? Toutes les émissions de CKRL. Oh, et les rances rénaldiennes? Les rances rénaldiennes? Oh! Se trouvent aux prémices d'escarpone. Ah, mon doux. Ne priez pas pour eux. OK. Car ils ne sont pas des nôtres. Qui sont les errants? L'escarpone refuse les êtres qui ne se cachent que derrière des soubresauts de génie. Ah, mon doux, ça ne fonctionne pas, cette émission-là. Quoique, oh. Nous n'avons jamais dit qu'Errance Rénaldienne ne faisait pas partie d'escarpone. Au contraire, ils sont les investigateurs de toute cette structure vaporeuse. Oh, c'est vaporeux! Ça va et ça vient. Entre quoi? Entre les Reynalds. Oh! Et je nous retiens! Avec tout ça, on a oublié de dire, monsieur le président, messieurs les pas trop catholiques, qu'est-ce qui s'est passé, donc? C'était l'escarpone. Hey, sont-ils là pour couper tous les liens intelligents de l'émission? Il n'y a pas d'intelligence à cette émission. OK. On peut-tu arrêter de parler de ça? De quoi? D'escarpone. Ben, d'accord. Mais introduisez. Nous nous introduisons. Monsieur le président, messieurs les pas trop catholiques, et catholiques également, madame les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone, Errance Rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est déjà commencé. D'être ridicule? Non, l'émission. C'est très ridicule. Effectivement. Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Oh, Virginia, oui, c'est ça. Bienvenue, vous faites du ukulélé. Les pieds nickelés, nous sommes les pieds nickelés. OK. Nickelés. Avec mon ukulélé, lolé. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée, avec nous-mêmes. Nous, de l'errance, hey, vous êtes plusieurs. Nous sommes plusieurs. Il est vraiment malade, hein? Très. Très quoi? Très errant. OK. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pit. C'est lui. Qui? Oui, c'est lui. C'est lui qui? Rénald. Il n'est pas encore arrivé, lui. Oh, où est-il? Pas encore arrivé, lui. Bon, et où est-il? Pas encore arrivé, moi. Je suis arrivé maintenant. Alors, j'arrive ici, et puis qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a des pieds nickelés. Ah, mon Dieu. De qui? Arthur Ashe. Ah! Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs, et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langage. Yamen, Bonne émission à tous. En ce beau vendredi 4 février 2011. Avant que l'animal se déballe jusqu'à vous, nous tenons à vous mettre en garde. Tout en respectant le genre humain, jamais nous nous interdirons de dire quoi que ce soit. L'errance rénaldienne se veut avant tout multidirectionnelle, à travers un sentier noble et non édulcoré que l'on surnomme les mots, l'improvisation, dévissée de tout sens, pour, en bout de route, en réinventer une autre. Si en cours de route, des turbulences vous parviennent à travers des propos biscornus, des raccordements étranges, sachez que les personnages baroques collaborent à ce chaos anarchiste. Maintenant, préparez-vous à tout. L'errance rénaldienne se dessine. Et moi, je suis venu, j'ai dû venir quatre ou cinq fois. Et c'était comme des demi. Ben oui, mais c'était d'autant plus dur à la fin parce qu'au début, on y va, parce qu'après, moi j'ai appris qu'il y avait eu plus de 80 guitaristes qui avaient auditionné. Oh. Tu vois, il y en avait qui venaient de Belgique, il y en avait qui venaient de France, de partout. Et au début, ben, on se dit, j'y vais, j'ai rien à perdre. Oh, ouais. Mais plus ça avance quand on nous fait revenir, on sait qu'il y en a de moins en moins. Et en plus, on revoit, on se dit, tiens, le batteur et le bassiste, il était déjà là. J'ai déjà vu, on commence à se poser des questions. Et puis, moi, je me faisais des nuits blanches à chaque fois parce que c'était vraiment mon rêve de travailler avec lui. Et en fait, la dernière audition que j'ai faite, là, je m'étais dit, bon, là, c'est la dernière, j'en peux plus. Je suis à bout parce que ça. Et je veux savoir. C'était trop de stress, trop d'épuisement physique. Et en fait, la dernière fois que j'y suis allé, sans le savoir, j'étais déjà pris. Okay. Et en fait, simplement, il écoutait l'ensemble pour vérifier qu'il avait vraiment la bonne équipe. Et ça, c'était et ça, sur ça duré, l'album Fantasy Militaire. Non, c'était sur l'imprudence. Ok. Alain n'a pas tourné sur Fantasy Militaire. Il n'a pas fait de tournée à cette époque-là. Okay. Il a juste fait un truc, une promo de télé. Il n'a pas fait de tournée après Fantasy Militaire. Mais par contre, on a joué quasiment l'intégrale de Fantasy Militaire parce qu'il n'avait jamais été joué sur scène. Et c'était surtout dans la même liaison que son album... L'imprudence. Oui, mais c'était comme ça la première année. Je crois que les gens n'aiment pas le son. Même le son de leur propre voix, ils n'aiment pas. À la radio, on peut encore rire un peu. À la télé, c'est plus dur. Ils n'aiment pas l'histoire, ils n'aiment pas leur histoire. Par contre, ils aiment raconter ou entendre des histoires au sens où on dit soit raconte-moi une histoire, soit arrête de raconter des histoires. Et l'histoire n'intéresse pas. Le son n'intéresse pas en tant que son. Je sais plus où je suis des fois. Des fois je dis merde, il y a des gens qui sont là, il faut quand même que je fasse que... Non, je suis ailleurs. C'est bien. Ils doivent partir avec moi, c'est ça mon rêve, qu'ils partent avec moi. On est ailleurs, on oublie tout. On nous donne des haut-parleurs qui rejoignent des milliers, des millions de personnes. C'est une chance et un privilège que d'autres n'ont pas. Il faut que les chevaux sauvages de l'inspiration puissent tout détruire. tout détruire ce qu'on sait, toute sa culture classique, il faut que ça détruise tout, puis que l'imagination, cette folle du logis, puisse jouer sa partie. S'il n'y avait pas le rire pour nous aider à supporter cette redoutable vie, je ne sais pas comment on ferait. C'est de la survie, le rire. La musique. La musique, la musique, la musique. Et les amis. Et rigoler. Quand on peut. Il faut rigoler. Faut rire. Je vous embrasse. Faut rire de tout ce qui est insupportable pour prendre de la distance. Tout le monde, vous savez, des gens qui n'ont pas d'humour sont des gens qui ont des vies terrifiantes. Vous verrez mon corps actuel voler en éclats et se ramasser sous 10 000 aspects notoires. Un corps neuf où vous ne pourrez plus jamais m'oublier. En tonnerre. Qu'est-ce que ce bordel? Aujourd'hui, le vendredi, nous sommes déjà vendredi, le temps passe. Comme je le dis régulièrement, le vent, c'est pas le vent, c'est le temps. Oh! Le temps, comme on le connaît, se cache sous les aiguilles des secondes, des minutes et des heures, des jours, des mois et des années. Le temps, M. le Président, je crois qu'il est sous-grenu. Comment? Sous-grenu. Comment ça? Premièrement, il ne cherche pas à rester. Oh. Il passe à travers les époques, il passe à travers les siècles, il passe à travers l'univers et il passe à travers Rita Biblo. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il la regarde. Oh, pas la Rita? Oui. Il l'époussette du coin de l'œil. Oh, oh! Comme l'orifice oculaire qui lui sert de cerveau. Eh, monsieur! Et soudainement, l'espionne, il lui dit... Rita. Mais c'est moi. Rita. C'est moi, le temps. Oui, c'est moi, le temps. Oh, oh, mais bonjour, monsieur le temps. Je ne suis pas monsieur. Oh, madame. Je ne suis pas madame. Vous êtes qui? Je suis impersonnel. Comme les livres de madame Duras. Comme Marguerite. Oh, oh, qu'elle est belle. Effectivement, elle est belle. Oh, elle était si jolie. Elle est toujours très jolie. Oh, OK. Monsieur le temps? Oui. Vous m'avez parlé? Oui, je vous ai parlé et je vous parle. Oui. Rita. C'est moi. Biblo. Oui, oh mon Dieu, le temps me parle. Avez-vous le temps? Je prendrai quelques secondes. C'est pas long, hein? Le temps passe. Oh, OK. Il passe à quelle minute? Est-ce que c'est en nœud? Il n'a pas de nœud. OK, comment cela? Parce qu'il n'aime pas se nouer. Se nouer à quoi? Au temps. Le temps n'aime pas se nouer au temps. Non, car il passe. Oh! Il fuit. Oh! Il ne s'arrête guère. Il ne fait pas d'arrêt sur image? Jamais. Oh! Rita. Oui? Le temps a passé sous vos yeux. Ah, vous trouvez, hein? J'avais dit à Jean-Luc, je dis, si je mets ma petite crème de nuit... Rita. Oui? Lâchez la nuit. Oh! Relâchez le jour. Lâchez votre amoureux. Ben voyons donc. Et devenez intemporel. Comment devenir intemporel? Rita. C'est moi. Hey, il me connaît. Oui, Rita. Oui. Avec tes huppés, ta journée à talons hauts, ta main de brume dans mes lunettes, t'as fait de moi un animal, Rita. Maintenant, cache-toi dans ton trépas. Wouah, wouah, wouah, wouah, wouah, wouah, wouah, wouah, wouah, wouah, wouah, wouah, wouah. Aujourd'hui, le vendredi 4 février 2011, les errances rénadiennes présentent plus de routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole au gestionnaire de nos entreprises en manque de direction. Tu parles trop vite. Confions la boussole au gestionnaire de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Oh, c'est bien ça. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du créateur Yann Péchin. C'est un musicien. Un créateur. Créateur. Un créateur. Yann Péchin. C'est un créateur. Yann Péchin est un guitariste. Je te l'avais dit. C'est un créateur. Ah, c'est un guitariste. Créateur. Lâche-le. Yann Péchin est un guitariste et compositeur français. Il a signé quelques musiques de chansons pour Christophe Miossec, Marie-France et Chloé Mont. Il accompagnait sur scène Alain Bachung. Aujourd'hui, il poursuit son chemin artistique avec des artistes. Pas à travers des artistes, quoique... Je connais pas sa vie privée, hein? Non, je... Chut! Hey, arrête! Chut, OK. Des artistes comme Brigitte Fontaine. Ah, oh, tu penses qu'il passe au travail? Brigitte Fontaine. Il passe au travail. Brigitte Fontaine, Jacques Higelin et Hubert-Félix Thiéfaine. Maintenant, enrobons-nous en ce vendredi. Qu'est-ce que tu voulais dire? C'est comme le temps, hein? Enrobons-nous en ce vendredi. Proposons-nous un ruban, un fil humaniste imagé entre vous et moi. Imagine-toi. Je m'imagine. Ton bras dans la mienne. Comment ça? Je m'imagine. Ton bras dans le mien. Aïe, gueule dedans, ça fait mal, hein? Nos moindres sourires voudront dire je t'aime. Mais l'un de nous s'en ira le premier. C'est triste, le temps. Il fermera ses yeux à jamais. Ça, c'est des yeux qui ferment, ça, hein? J'ai jamais entendu ça de même, moi, là. Attends, on peut-tu entendre les yeux qui ferment? Les yeux qui ferment à jamais. Chloc! Et mais... Dans un tout dernier... Et monsieur, qu'est-ce qui se passe, là? Il tombe dans un... Il est dans un mal profond. Arrêtez-le. Sourire... Et l'autre, en voyant la moitié de sa vie. C'est vrai que c'est relaxant, hein? Restera chaque jour dans la nuit. Et l'autre, le taré, ira le retrouver. En paraissant, la porte s'en trouve. Et monsieur, ton cœur bat plus vite. Et maintenant, que vais-je faire? Pas le grand succès. De tout ce temps, oh monsieur, que sera ma vie? Un voyage chargé pour cette nuit automnale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter, nous envahir? S'il vous plaît, oui, s'il vous plaît. Alors oui, place à l'émotion, place aux mots, place au lyrisme rénaldien, bref, place à l'envoûtement. Et en avant, la zézic, la zézic. Golden brown, texture like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night, no need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to her mast, two distant lands, teach both my hands, never a frown with good and brown. Golden brown, final temptress. Through the ages, she's headed west. From far away, stays for a day. Now for a frown with golden brown. On se connaissait, sauf qu'eux, ils avaient 3-4 ans de plus que moi, tu vois, voire 5 ans de plus, mais en fait, on se connaissait. Donc tous ces gens-là, Mirouez, que je connais très bien, Daniel Darc, ça, on se connaît, Laurent Sinclair. As-tu déjà joué avec Daniel Darc? Ben non, mais par contre, ça se fera peut-être un jour ou l'autre, parce que ça a failli se faire à plusieurs fois, mais c'était des problèmes de disponibilité. Ok, mais c'est toujours ça, hein? Mais voilà. Mais on se connaît depuis tellement longtemps que ça se fera peut-être un jour. Mais un studio, tu n'as jamais travaillé avec? Non. Par contre, j'ai travaillé avec Mirouez, oui. Il y a très longtemps, c'est-à-dire avant le syndrome Madonna. C'est-à-dire, j'avais produit une chanteuse assez culte en France que vous ne connaissez pas chez vous, mais qui s'appelle Marie-France. Marie-France qui? Marie-France. Marie-France, okay. Qui est une chanteuse très culte, là, qui a fait un album Bardot, qui est un peu une sorte de Marie. Elle a été la Marilyn Monroe, genre Brigitte Bardot, très culte des années 70. C'était une légère. À quelle année? C'était dans les années 80, la grande époque du Palais, okay. Et qui était un peu c'est l'égérie de Pierre et Gilles, des photographes Pierre et Gilles. Ah, mais je ne sais pas grand-chose au Québec. Voilà. Non, mais je sais même pas si ces disques sont. Okay. Voilà. Mais par contre, elle a été l'égérie de tous les grands peintres, de tous les grands bons. Et donc, j'avais fait un album qu'on avait fait dans le studio de Mirouez à l'époque. Donc, c'est comme ça qu'on a retravaillé ensemble. Et 2 ans après, il faisait musique de Madonna. Studio, on la bande, on la trappe, on la record, on la range, on la fait chanter par un bel âtre. On la taille, on la formate, on la mixe, on la compresse, on la copie sur CD. Une fois qu'elle est pieds et poings liés, on la code barre, elle a beau hurler, mais il est déjà trop tard. On l'a renvoyée aussitôt chez le producteur qui l'attend dans son bureau. Là, on la briefing, on la brainstorming, on la training, on la buzz, on la marketing. On l'envoie sur le trottoir, au préco, au turbin, en radio, sur le net et sur le réseau air. Tiens, là, on la pub, on la coupe, on la pirate, on la traîne, on la boucle, on la boucle, on la boucle, on la boucle. On la playlist, on se la file au midem. Une fois terminé le premier tour de piste, on l'envoie tapiner dans les magasins de disques. On la classe, on la parque dans un bac, on la casse, broadcast, on la sonne, on se la repasse. Quand elle a fait du chiffre, apporté du brousouf, direction, grande distrib, au champ et carouf. Mais c'est pas fini car le succès s'installe. On lui prévoit une carrière internationale. On la remixe, on la popise, on l'hypopise, on l'isinisnise, on la sonnerie de portabilise. Et comme c'est qu'une chanson, on la balade. Elle fait le tour du monde dans les boîtes les plus ringardes jusqu'au jour où, démodée et vieille, elle passe aux oubliettes, finie à la poubelle. Elle a beau hurler, au secours, j'ai une belle chanson d'amour, mon auteur viendra te sauver un jour, mais l'auteur, c'est pas de sa faute, on a déjà écrit une autre. Cultive tes goûts. Là, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est parce que j'avais la langue coincée. J'avais la langue francophone. Oh, tu la coinces souvent, régulièrement. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le s'exprimer ce soir. Là. On va lui laisser toute la place qu'il mérite. Vous savez que je fais ce numéro-là depuis Belle Lurette, Lara, le Rollo, le Rolluri, le Rouliri, l'Irette. Eh bien, voyons d'abord, Belle Lurette. OK, ça c'est appelé Belle Lurette. Ben oui, Belle. Belle, c'est un beau nom de fond de poubelle. C'est vrai que Belle, c'est... non, c'est... Belle! OK, lâche la Belle. Belle et Sébastien. Ah, c'était le chien. C'était ce beau chien, là. C'est un beau chien blanc. Les chiens, on les aime. Les chiens. Vive les chiens, t'es un beau chien. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir, ça fait du bien. Un chien, t'es un chien, un beau chien. Tu marches pas à quatre pattes, mais t'es un chien, toi. À deux pattes, un vrai. Arrête d'aboyer, là. Moi, allonge le maraudant. C'est pas un chien qui a le maraudant. C'est qui? C'est le cheval. Oh! Les chevaux de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Maintenant avec le crayon. Est-ce qu'on peut le faire, l'exercice avec le crayon? Ben là, c'est quand même pas prévu. Non, il n'y a rien de prévu ici. Attendez, avec le crayon. Avons-nous le crayon? Nous l'avons ici. Alors, dans la bouche, ça, c'est pas hygiénique. Ça a passé dans toutes les mains. C'est des clients qui ont pris ça. En tout cas, j'aurai des bobos dans la bouche. J'y vais avec le... Alors, si j'ai des bobos dans la bouche cette semaine, je penserai à vous, chers errants et errantes, parce que ces crayons, je les passe à des clients, très souvent aussi à des prostituées. Donc, je ne sais pas de quel microbe est composé ce merveilleux crayon. Si j'enverrais ça à au laboratoire à Los Angeles, on me dirait sans doute que c'est une mort annoncée. Ah, c'est bien dit, ça. C'est bien dit avec le crayon dans la bouche. Dans la bouche. Es-tu certain qu'il est dans la bouche? Mais où crois-tu qu'il est? Dans la bouche d'en bas. Non, dans la bouche d'en haut. Alors, les cheveux... Arrête-t-on dans la bouche d'en bas. Tu penses que ça peut rentrer dans la bouche d'en bas? Allons vérifier. Attendez. Ah non, la bouche d'en haut. Arrêtez d'en haut. Il n'y a pas une bouche d'en bas, il y a des bouches d'en haut. OK, ferme ta bouche. Ferme ta bouche, ouvre les yeux, tu verras, ça ira mieux. OK, nous y allons avec les chemises. C'est un... Premièrement, là, je vais enlever mon crayon. C'est un essai unique, là. Aucune radio a osé faire ça. C'est quand même... C'est quand même, OK? Nous y allons. Allons-y. Les chemises... Premièrement, c'est pour prouver quoi, ça? C'est pour prouver mon articulation la plus intense à cette émission errance rénaldienne. Ben, voici. Les chemises... J'y vais, frère. Calme-toi, là. Les chemises... J'ai remis le crayon. Regardez devant les caméras. Il y a des caméras de France Inter, de Radio-Canada, de France Inter et de toutes les France Suisse, France Belge, Français, Française, Québécois, Québécois, Suisse, Suissesse. Belges, voici, mais comment ça, Belges? Vergère, j'aime pas les vergères, j'aime pas les moutons, qui foifurent laine, ou en chapeau melon, qui fuit. Ah ouais, vas-y, là. Les chemises, j'y vais. Alors, les chemises, enlève-les pas, les chemises. Non, j'y vais. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? C'est merveilleux, ça. C'est vraiment, là, une bonne main d'applaudissements. Bravo. C'est l'émotion. Ça se termine-tu? C'est l'émotion. Il va-tu avoir un rappel? Un rappel. Ah, mon Dieu. Merci beaucoup. Je vais rappeler à tout le monde de ne pas faire ça à la maison, sauf si votre crayon sort du plastique de l'endroit où vous l'avez acheté. Ouais, là, on l'a pas acheté, on l'a acheté. C'est à chier, ce crayon. Alors donc, là, ici, maintenant, attribuons, je vais avoir de la bibite buccale, bucco, buquet, carabucaire. Nous avons ici, ce soir, carabucaire. Bonsoir. Carla Buquer, ça va? Ça va! Vous nous avez écrit une chanson? Oui, une belle chanson de souvenance humaniste, de gauche, indépendante, une musique qui vous incrustera l'oreille et qui vous fera vous sentir heureux d'appartenir à ce grand cercle que l'on appelle l'humanité. Oh, monsieur, alors, vous allez nous commencer la chanson? Nous allons vous la commencer, la terminer à la Caracas, Caraquette. Alors, Caraquette, la Caracas. Et ça, c'est la Caracas, Caraquette. Merci beaucoup. Et à la voix, ben, c'est moi. L'humanité se gratte les pieds. L'humanité se gratte les pieds. Ils se regardent l'orteil. Ils se disent tout en pleurant. Il me semble que les oignons ne sont pas tout au monde. Ne sont pas tout au monde. Sont-ils encore de ce monde? les oignons que j'ai au pied. Nous avons plus le temps, c'est terminé. Alors laissons, bravo, hein, c'est un grand succès. Nous sentons déjà des pieds, mais l'argent qui déferlera sous vos doigts et dans votre bouche, ah ben, c'est pas très propre, hein, de l'argent, c'est vrai. Comme disait Jacques Babel, l'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur vous monte aux nez. Alors donc, laissons un petit coin de bar à Bukowski. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et Nouvelles. Maintenant, je plonge la main et j'en sors rapidement la chose, parce que là, si nous composons... faut pas, yeah, allez-y! Si on ne compose pas avec la chose, qui n'ira nous reverra-t-il? Eh, monsieur... Qu'est-ce qui va nous arriver? OK! C'est tellement simple. C'est tellement... Non, faut pas que ce soit comme ça. Comment ça? Parce qu'on est dans une radio communautaire. Il faut montrer notre recherche linguistique. Eh, monsieur, moi, j'ai la recherche, mais plus que linguistique, moi, là. Où ça? J'ai la recherche au niveau intellectuel, moi. Mais c'est ça, c'est linguistique, la tête, les mots, les... Ah, non. La première phrase, arrêtez de dire non, voilà, vous avez pas raison, j'ai raison. Alors, la première phrase, c'est une expérience bizarre d'être un gigolo, surtout quand on n'est pas professionnel. Eh oui. Je ne suis pas un gigolo, je me regratte le dos avec ma douce hallucinée. Le soir, je me répands et je me répands. Oh, quel dégât! Mais quand on reprend, je me sens comme volant. Pas de dégoût. Dans le blessé, about me. Mais je ne suis pas un gigolo, mais je peux me gratter le dos. C'est de la chenoute. C'est de la chenoute. Mais je suis un gigi la molose. Croqueur d'amour, œil de velours comme une croquette. Non, c'est une jaquette. Une jaquette craquée en deux. Craquée en deux vers le derrière. Comme à l'hôpital. Comme à l'hôpital. Gigi la molose, toujours vainqueur, parfois sans cœur, mais jamais sans la tendresse. La tendresse. La tendresse, ça ne veut plus rien dire. C'est vrai, quand on n'est pas gigolo, là, c'est un métier être gigolo. C'est un métier, toutes les spécialités, surtout au niveau de la beauté, là. Surtout du savoir-faire. Comment tu peux t'introduire quand t'es un gigolo, là? Premièrement, les gigolos, là, c'est pas toujours des vieilles qui ont de l'argent, là. C'est des jeunes cassés qui te trouvent beau puis qui te disent « Oh, aimerais-tu ça avec mon bébé? » Hé, monsieur, t'es une belle, mais t'as une grosse voix dégueulasse. Ben, bébé! T'es sûr que t'es une femme? Je m'appelle Régine. Oh, Régine au régime buccal. Bucaire. Carla Bucaire. Oui, monsieur. Non, mais ça, là, ça s'improvise pas, ça. Là. Tu l'as ou tu l'as pas? Regardez-moi. On est à la radio. Regardez-moi mieux que ça. On est à la radio. Arrêtez ça, là. Coupez-vous de tout lien. Arrêtez de vous dire que vous ne pouvez pas voir à la radio. On peut tout voir à la radio, premièrement. Vous me voyez. Mais non! Vous me voyez. Mais voyons donc! Vous me voyez! On te voit! Bon. Vous ne me vous voyez pas. OK. On te voit, mais on ne te vous voit pas. Voilà. Alors, on te voit ou on ne te voit pas? Tu me vois, mais tu ne me vous vois pas. OK. Alors, on te dit « tu », on te voit. Oui. Mais là, on est à la radio. Tu me vois. Je te vois. À la radio. À la radio. CKRL. CKRL. 89.1. À Québec. À Québec. Ah! Alors, tu me vois? Je te vois. Arrête de me voir, là. Ça me gêne un peu. Arrête le micro. Il bouge, ce micro-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas un gigolo, lui, c'est... Oh! Coupez-moi ça! On peut pas. C'était pas vrai, c'était monté. Ben, y'en a, ça a pris quelques secondes. Les gens sont pas rendus compte de ça. Ça adore, là. C'est dans un lieu dépudique, puis ça ronchonne à la merveille. Ça se dit... Ça se peut pas, ça se peut plus, je suis perdu. Ça se peut pas, ça se peut plus, je suis perdu. Puis là, il y en a une dans le fond qui dit... La aigle noir dans un glissement d'aile. Lâche-moi ça, toi là, là, c'est une gigolote. Je suis une gigolote et je me regarde là. Hey, la phrase de Bukowski, c'est deux gigolos. Sex to the cell for a cold guitar. And we are sailing away. We can't go breaks on a grand city hall in your yard. We had a headache and crack right far enough. Oh, how the trading's drawn over. She had 27 miles, so she stood 7 blocks. I called her the Irish Rover. There was one we gave her, not quite so late. I was home from county to road. There was Johnny McGart, who's playing civil war. Got a man from my sleep, come along. Still around to all those drunk guys in a row. Flying Bill Tracy for Dover. I am on the bacon on the banks of the pond. The skipper on the Irish Rover. We have 1 million barrels of our money on sales. We have 2 million barrels of rum. We have 3 million barrels on that southern sales. And we have 4 million barrels of ball. 5 million huts, 6 million dogs, 7 million barrels of port. We have 8 million slaves who have blind horses' hides. And all that the oil is rover. When the mace broke out and the ship lost its way in the fog. And a while our crew was a gist and a mate. We suffered and a captain's old dog. Then a ship struck a rock. Lord, what a shock. The town was turned right over. Turned the signs around. And the poor old dog was drowned. Ah, the Irish Rover. Voilà, c'était voilà. Donc voilà, et donc pour en revenir, bah voilà, je faisais des groupes punk rock, et c'est vrai que jouer du banjo à ce moment-là, c'était un peu considéré comme quelque chose. Et en fait, quand j'ai commencé à commencé à devenir professionnel, on va dire, ouais. Bah, j'ai commencé à réutiliser tout ça parce que d'un coup, ça prenait sa place. Oh oui, voilà. Mais après la guitare s'est installée. Ah bah oui, j'étais dès l'âge de 14 ans, 12, même 12, 13 ans, j'étais guitariste. Donc après, j'ai utilisé les autres instruments comme un plus pour d'autres choses. Mais tu voyais pas autre chose que le travail de guitariste? Si, de chanteur. Je chantais. Okay. En fait, mes premiers groupes, je chantais. Mais tu te voyais juste dans la musique et non pas comme pâtissier, comme cuisinier? Absolument pas. Mais j'ai pas gagné ma vie tout de suite dans la musique. Hein. C'est-à-dire okay. que moi, j'ai passé mon bac et après, j'ai aussitôt arrêté les études après le bac. Je sais pas si le bac en France est comme chez vous. Oh, oui, ben aujourd'hui, les étudiants... À 18 ou 19 ans. Oui, mais aujourd'hui, les étudiants allaient voir s'ils avaient passé leur bac. Hein. Est-ce que tu savais? Mm-hmm. Aujourd'hui, les étudiants français allaient voir s'ils avaient passé leur bac. Ah bon, d'accord. Oh, oui, c'était la journée où on festoie, au d'accord. contraire, on pleure. Et... Il va mouiller, là l'hostie de poulailler, dans l'hostie de poulailler, il va mouiller. Il va mouiller dans l'hostie de poulailler, dans l'hostie de poulailler, il va mouiller. Il va mouiller dans l'hostie de poulailler, dans l'hostie de poulailler, il va mouiller. Il va mouiller dans l'hostie de poulailler, dans l'hostie de poulailler, il va mouiller. Hé, hey, les petits fées! Dans l'hostie de poulailler, dans l'hostie de poulailler, il va mouiller. Petit poulailler, il va mouiller dans le poulailler. Oye, oye, du ki, ok, j'étais sur mon marmot. Tralala, tilala, là, c'est mon patatato. Tralala, tilala, là, c'est mon patatitata, sous patatata. Oye, oye, du ki, ok, ok, ok, ok, ok. Alors, on y va ensemble, s'il vous plaît, ok? J'étais sur mon bateau. J'étais sur mon bateau. Tralala, tilala. La madame Tremblay. Ok, on y va. Ben oui, j'ai de la misère, moi. J'étais sur mon bateau. Tralala, tilala. Là, c'est mon patatato. Tralala, tilala. Là, c'est mon patatitata. Sous patatata. Oui, oui, du ok, ok, ok, ok, ok. Ouais, mais non, là. Ok, hey! Madame Tremblay, oui, allez-y. Ouais, mais je suis incapable de suivre. J'étais sur mon... Ben oui, mais là, arrête, lâche-moi. J'étais sur mon bateau. Tralala, tilala, là, sur mon patatato. Tralala, tilala, là, sur mon patatata, sur mon patatato. Oui, oui, du, ok, ok, ok, ok. Non! Ok. Alors, cette semaine, et ça, jusqu'à... On a le public qu'on mérite, toi, là. T'as pas de succès dans tes études, t'as pas de succès dans ta carrière, tu voudrais être une secrétaire. Ben voyons donc, toi j'ai de la misère à compter. Bon, ben à pitonner, je pitonne la pitoune. Oh, toi aussi. Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons. J'ai fait allusion à une cliente la nuit dernière. J'ai dit, tu presses sur la pitoune. Et là, elle a dit « Pitoune ». Oui, j'ai dit « Le bouton ». Elle a dit « J'avais compris, c'était juste pour rire ». Elle-même était une pitoune, puis elle trouvait ça étrange que tu disais « Pitoune » à une pitoune. C'est comme si j'étais gêné de dire « Pitoune » à une pitoune. « Ah, ma pitoune, la pitoune, elle est pitoune, elle dit pitoune, elle est pitoune, elle est pitoune, elle est pitoune, elle est pitoune, elle est bisoune. » Cette semaine, est-ce que l'on chelait? Qui ça, la pitoune? La pitoune. Cette semaine, est-ce que j'ai aucune gêne, moi, à dire que est une pitoune? Oh, mode, oh, pitoune de Dieu, croyez pour eux. Laissez, on y va avec ça. Oui, on y va avec tout. Avec quoi? Tout, tout, tout, tout, tout, tout. Cette semaine, et ça, c'est un moment de tranquillité, là, c'est normal. Faut respirer par les naseaux et régurgiter par la vitre. Oh mon Dieu, ouvre la vitre rarement, il en a plus de sac et puis il va régurgiter, il l'a dit. Ben voyons. Cette semaine, et ça, j'ai... on est en soucoupe volante, là. Ça fait, on n'a aucun ressentiment au niveau de la glotte. Oh, t'es un poli. Un poli. Très poli. Très polyglotte. Cette semaine, et ça, jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots sur lui-ci. Sur lui-ci ou sur lui-là. Sur lui-ci ou sur lui-là. Élèverons à bras de mots sur lui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe velouté. Velouté. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, dans votre monde, sur votre planète, mais ici, velouté, pour des cigarettes, là, c'est anciennement extra-légère. Ou non, c'est légère. Légère, on n'a plus le droit de dire une cigarette est une... exemple, là, une boue légère. On doit dire boue veloutée. C'est quoi le boue? Ben, c'est la marque de la cigarette. Oh, on n'a pas dû dire... Non, non. Plus le... on coupe de la réalité le mot légère. Il n'y a plus de légèreté. Il n'y a que de la velouté. Il n'y a qu'un monde de velouté et de cacheterie gouvernementale. Parce que qui a mis ça payant et surtout avec des taxes extrêmement jouissives pour une société? C'est l'État. L'État. L'État. Maintenant, il est dans tous ses états, l'État, parce que ça coûte cher, les hôpitaux. Dû à ses cigarettes, parce que c'est velouté, légère. Plus c'est léger, plus on ajoute d'ingrédients. Quand je dis ça au pauvre monde qui achète des cigarettes parce que ils sont accrochés à ça comme à des béquilles. Ben, des béquilles, t'as pas le choix. Là, c'est vrai. La cigarette, t'as le choix. T'as le choix. Et c'est un beau mot, là. On t'applaudit, madame Rien. Madame Rien. Bravo, madame Rien. J'ai rien. Vous avez rien. Et puis, vous gardez, je garde rien. OK. Vous êtes à rien. Vous êtes une arienne. À rien. OK, à rien. C'est arrivé. Alors, velouté. Un monde velouté est un monde peut-être qui s'envole vers les nuages, vers le firmament, vers l'infini, qui ne veut plus se définir. Hein? Qui et quand et pourquoi un jour quelqu'un veut se définir quand il peut vaguer dans une substance vaporeuse? Hey, ça fait peur, là. T'as dit substance. Oui, une substance. Nous sommes des êtres, oui. Nous sommes une substance. Oh, mon Dieu. À l'intérieur de nous, nous avons des substances. Oh, mon Dieu. Et puis vous êtes... Une insubstantaise. Oui, ben peut-être que vous êtes une insubstantaise. Très heureuse de l'aise. Oh, et à l'aise. À l'aise de l'être. OK. Mais c'est pas de votre faute, là. Ben, un peu, hein. C'est Raoul qui m'a dit... Ma belle-fille, toi, t'es née pour être une substantaise. Et puis? Ben, j'ai dit entre parenthèses, là, je suis peut-être une substantaise, mais avant tout, je suis ta femme. Oh! Puis là, il doit avoir aimé ça. Ah, il a plus qu'aimé ça, hein. Il m'a gardé pour la vie. Pourquoi? Parce qu'il voulait pas diviser sa télévision, son micro-ondes, sa voiture. Et son argent! Oh, OK. Alors donc, il voulait pas diviser. Ah non, il savait pas diviser non plus. Comment ça? Ben, c'était un être qui était un peu illettré et un peu incalculable, hein? Autant au niveau émotif qu'au niveau cartésien. Quand je lui disais, donne-moi 20$, il me donnait un 100$. Ah, ben, c'est bien ça. Ah, je l'aime pour ça, moi, là. Il est très vaporeux, mais il est très velouté aussi. Il est dans le trait. Et puis, quand on est dans le trait... Ben, il faut le marquer d'un grand trait. Oh, mon Dieu, un trait d'humour. Non, ben, pas lui. Hein. Lui, c'est un trait sans attrait. Oh, un trait sans attrait. Ben, il y en a beaucoup, hein. On appelle ça des no-profils. Oh, non-profils. Il y a Leonard Cohen qui a chanté Nobody Bows. Non, c'était Nobody Bows. Oh. Nobody, je suis pas bon en anglaise. Bon, mais c'est pas votre faute. Et je suis comme ça, très volupté. Oh, c'est bien. Vous êtes une femme volupté. Ouais, oh. On ne met pas dans le château symbolique de la francophonie. On le retire. OK, c'est bien. C'est beau. C'est beau. Thank you. Donc moi j'ai fait pendant 3 ans, je faisais de la musique, mais je vivais de petits boulots à côté comme tout le monde pour vivre, faisais affaire de la musique. Et puis j'ai travaillé dans des studios d'enregistrement où je faisais du. Donc j'ai après faire du son, j'ai fait de l'enregistrement, j'ai fait pas mal de trucs pour travailler. Alors c'est docteur appris, c'est ton école. Hein, voilà. Fondamentalement. Et j'ai beaucoup appris aussi en faisant beaucoup de sons aussi. Donc du coup parce que j'ai fait du son façade, des sons retour pour les gens quand j'avais 20 ans. Ah ok, t'étais un technicien. Je l'ai fait pareil en autodidacte. Ah. Parce que je me suis retrouvé sur. Comme le ukulélé. Ouais, comme le banjo. Ouais, le banjo. Parce que je me retrouvais sur des concerts où tout d'un coup, là j'ai son parfois. À quelle année ça? Bon, ça c'est dans les années au début des années 80. 80, ok. Voilà. Et puis après, j'ai commencé à être appelé par des artistes. On a commencé à me remarquer en jouant avec des groupes. On a commencé à me remarquer sur tel ou tel artiste, sur tel groupe, mais des groupes pas connus. Et j'ai commencé à faire des séances. Ah des groupes que j'avais, Alice Merveille, Fantas, tout ça, des groupes qui étaient. Okay. Parce que je jouais dans des. Simplement, je me faisais remarquer. Quoi. Mais toi, tu es un musicien planant, c'est-à-dire que tu rentres vraiment dans la musique. Lorsque l'on doit sur scène, c'est le type qui est au bout et qui est en train de planer avec sa guitare. Tu sais. Je me pose pas la question. Non, si mais ça c'est peut-être. Ça me fait plaisir, mais je t'avoue que c'est pas du tout des questions que je me pose. Tout ce que je fais, c'est que quand je suis sur scène, je suis heureux et j'ai l'impression d'être habité. Enfin, je me pose pas de questions, je ferme les yeux et voilà, il y a plus rien autour. Quoi. Mais c'est ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment rentrer dans un univers, rentrer dans. Ah c'est ce que je sais pas, mais moi je trouve ça me paraît normal dans la mesure. Mais tu vois plusieurs. Que j'ai toujours rêvé de faire. Alors je trouve que quand on a la chance de faire ça, on doit donner tout ce qu'on a, quoi. Ah, ça oui. me paraît, ça, je veux dire, sinon on fait un autre métier, quoi. Moi, ça a toujours été mon rêve d'enfance de faire ça. Donc pour moi, je trouve qu'à chaque fois que je suis sur scène, je considère que c'est un honneur immense de pouvoir être sur scène, de pouvoir jouer devant des gens, de pouvoir donner le maximum. Donc, les gens qui montent sur scène et qui font ça comme un boulot, pour moi, ça n'a aucune... Il faut faire autre chose, il faut faire un autre métier. Quoi. Effectivement. Thank you. KRL. Cultive tes goûts.